Chapitre 17e. Wolfram ressentait un intérêt croissant pour le repris de justice. Sa bonté, sa résignation, sa miséricorde, son dévouement doublaient de prix. Grâce à sa bonhomie candide, jamais la vertu ne s'était montrée plus ignorante d'elle-même et d'une mansuétude plus touchante, plus résignée pour l'erreur des hommes. Il regardait, il devait regarder ce malheureux comme un voleur et un meurtrier ayant sans doute subi sa peine, mais dont le passé criminel leur inspirait une défiance ou une aversion insurmontable. Toutes les apparences étaient contre lui. Il avait en justice témoigné contre lui-même. De quel droit se serait-il plaint de l'erreur dont il était volontairement la victime, se disait-il. Aussi ne se plaignait-il jamais, poussant même son exquise probité de cœur à ce point de considérer comme un larcin les preuves de bienveillance qu'on lui accordait. Sentiment d'équité doublement louable, car cette nature timide et modeste à l'excès, méconnaissant sa haute valeur, ne pouvait puiser dans la conviction de la grandeur de son sacrifice, la force de dominer les répulsions qu'il inspirait, et de les braver dans la sérénité de son fort intérieur. Non, de ses mépris, il souffrait cruellement, lors de son moindre contact avec les hommes, mais du moins, ses souffrances, il les oubliait, lorsqu'il était seul avec sa conscience et avec son chien, disait-il en sa touchante naïveté. Aussi passait-il ses jours dans la solitude. Pendant que Wolfram se livrait à ses réflexions, M. du Bousquet commençait ainsi son récit. Mon frère Auguste et moi, nous sommes fils d'un petit manufacturier de Lyon. Il tenait quelques métiers à étoffe. Il nous a laissé environ 60 000 francs de patrimoine à chacun. J'entrai comme employé surnuméraire dans l'administration des douanes, et mon frère continua l'industrie de notre père. J'aimais Auguste autant qu'il méritait qu'on l'aimât, ce n'est pas peu dire. Car voyez-vous, monsieur Wolfram, c'était un cœur d'or, un cœur d'or. Le repris de justice ne peut retenir ses larmes, garde un moment le silence et reprend. Auguste épousa une jeune ouvrière employée à l'un de ses métiers. Elle s'appelait Suzanne. C'est la bonté, le courage, la vertu en personne. Et si vous la connaissiez, voyez-vous, monsieur Wolfram, c'est d'elle que vous diriez, et avec raison cette fois, tout le bien que vous daignez penser de moi. Et pourquoi, dans la pénible situation où vous êtes, n'allez-vous pas demeurer auprès de votre belle-sœur? Moi, grand Dieu? Pourquoi non? Comment, pourquoi non? Mais figurez-vous donc, monsieur Wolfram, que réduite depuis longtemps, ainsi que Toinette, sa fille aînée, à travailler presque jour et nuit à leur métier, et Dieu sait ce qu'elle gagne, tout juste leur pain, ma belle-sœur a toujours repoussé les secours que je lui offrais. Et ce refus, d'où vient-il? Ce refus, répond M. du Bousquet d'une voix altérée. Ce refus vient de ce que Suzanne, ma nièce et mon neveu, car j'ai aussi un neveu, aimera mieux crever de faim, fasse le ciel qu'il n'en soit pas ainsi, car ils sont hélas bien misérables, que de recevoir un liard d'un homme condamné pour vol et pour meurtre, et qui a déshonoré le nom de son frère, balbutia le forçat libéré d'un ton navrant. Je leur fais honte et horreur à tous. Qu'entends-je? Eux aussi vous croient donc coupable? Mais, dame, il faut bien qu'ils me croient coupable, puisque c'est pour sauver l'honneur d'Auguste que je me suis accusé à sa place. M. du Bousquet prononce ces mots avec une simplicité sublime, essuie du revers de sa main les pleurs qui baignent son visage, et dominant son émotion. Pardon, monsieur Wolfram, pardon. C'est là, voyez-vous, mon plus grand chagrin. Dieu juste, être un objet d'horreur pour la famille de celui auquel vous vous êtes si généreusement sacrifié. Oh, je passerai bien encore par là-dessus, mais ce qui me met la mort dans l'âme. C'est de penser que le mépris, l'aversion de Suzanne et de ses enfants pour moi, les empêche d'accepter de ma main des secours, dont ils ont tant besoin, monsieur Wolfram, car mon neveu ne gagne rien comme apprenti, et si sa mère et sa sœur gagnent à elles deux, vu les fréquents chômages, 30 ou 35 sous par jour en moyenne, c'est beaucoup. Ils sont trois à vivre là-dessus, monsieur Wolfram. Dites, est-il Dieu possible qu'ils y durent? Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse puisqu'ils me repoussent? J'avais, voyant cela, imaginé il y a 2 ans, de leur envoyer un mandat de 10 000 francs à toucher à Lyon. J'avais contrefait mon écriture et signé d'un nom supposé ma lettre d'envoi, où je disais que cet argent était dû à défunt mon père par le signataire. Eh bien, M. Wolfram, soit que Suzanne ait deviné la vérité, soit que j'ai mal contrefait mon écriture, et qu'elle l'ait reconnue, j'ai reçu mon mandat, courrier par courrier, avec deux mots de Suzanne où elle me disait « Je ne reçois rien d'un voleur et d'un assassin qui a déshonoré le nom de mon mari et l'a fait mourir de chagrin. » Car il y a encore cela que j'oubliais, monsieur Wolfram. Ces pauvres chères créatures sont persuadées, et il y a de quoi l'être, que le chagrin que mon infamie a causé à Auguste a dû abréger ses jours. Quoi ? Votre frère ne pouvait-il, du moins en mourant, confier à sa femme et ses enfants ce triste secret ? Ah, monsieur Wolfram, est-ce qu'il le pouvait ? Mais songez donc qu'il n'avait d'autre héritage que son honneur à laisser à sa famille, l'infortuné. Songez donc qu'en disant la vérité, il aurait empoisonné jusqu'à la misère de ceux qu'il laissait après lui. Et à quoi ça m'aurait-il servi, à moi ? Lorsqu'il est mort, j'étais encore au bagne. Ah, n'accusez pas, Auguste. Ce qui a véritablement abrégé ses jours, c'est la douleur de me voir condamné à sa place. Et lorsque je lui écrivais de Brest, « Mon bon ami, me voici aux galères à perpétuité. Le gouvernement se charge de mon entretien et de ma nourriture. » Je disais cela afin de tâcher d'égayer mon pauvre frère. « Je n'ai donc plus besoin de rien. Dispose de ma petite fortune pour toi et pour tes enfants. » Savez-vous ce qu'il me répondait, monsieur Wolfram, tant il était délicat ? Tu m'as déjà sacrifié plus que la vie, ton honneur. Je serais un misérable de m'enrichir de tes dépouilles. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'argent. Mes affaires vont bien maintenant. » Et il me trompait, monsieur Wolfram, il me trompait. Ses affaires allaient au contraire de mal en pis. Malgré ses efforts, malgré son travail, la mauvaise fortune s'acharnait sur lui. Mais enfin, avec cette délicatesse de cœur que vous vantez en lui, comment votre frère a-t-il accepté votre sacrifice ? Pauvre et sublime martyr. Oh oui, sublime, car je... Mais Wolfram, remarquant l'embarras que cause son enthousiasme au repris de justice, s'interrompt et ajoute « Eh bien non, vous avez simplement accompli le devoir que vous imposez votre tendresse fraternelle. Mais encore une fois, comment votre frère a-t-il accepté, de votre part, un sacrifice dont le ressouvenir devait abréger ses jours ? Le sacrifice n'a été connu de mon frère que lorsqu'il ne pouvait plus s'y opposer. Quelles sont donc ces fatales circonstances ? Afin de vous en instruire, il me faut reprendre mon récit de plus haut et arriver à ce qui regarde M. Borel. Nous avions, je l'ai dit, hérité de notre père d'environ 60 000 francs chacun. Moi, j'avais acheté de la rente. Mon frère, conservant par devers lui 10 000 francs de fonds de roulement pour ses métiers, avait confié les 50 000 francs restants à M. Borel, alors sans autre fortune que ses appointements de caissier dans la maison de banque Méréville et compagnie. Auguste était intimement lié avec M. Borel. Il se connaissait depuis l'enfance et lui dit peu de temps après la mort de notre père « Je possède 50 000 francs, dont je n'ai pas actuellement l'emploi. J'hésite entre deux placements que l'on me propose. Je vais me renseigner à ce sujet, et en attendant que je me sois décidé, ce qui ne saurait tarder de quelques jours, garde-moi ces 50 000 francs dans ta caisse. » M. Borel voulut donner à Auguste une reconnaissance de la somme, mais mon frère l'envoya promener avec son reçu. C'était imprudent, parce qu'en affaires il faut toujours se mettre en règle, et puis enfin ce malheureux Auguste, exposer ainsi M. Borel à une mauvaise intention. Mais mon frère, jugeant de la délicatesse d'autrui d'après la sienne, ce serait, et bien à tort, regardé comme m'offensé, si un ami intime eût accepté de lui un reçu en échange d'un dépôt confié à sa probité. Tel est donc l'acte infâme que le banquier Borel... Pardon, M. Wolfram, laissez-moi suivre le fil de mes idées. Il y a longtemps, voyez-vous, que j'ai perdu l'habitude de causer longuement avec quelqu'un, que je crains de m'embrouiller dans mon récit. Où en étais-je donc déjà ? Vous en étiez au dépôt remis par votre frère à M. Borel. Ah oui, c'est cela. Auguste remet donc à son ami les 50 000 francs, dont il refuse d'accepter le reçu. Et notez que non seulement M. Borel jouissait de la confiance de mon frère, mais encore que messieurs Méréville et compagnie avaient une telle foi dans l'honnêteté de leur caissier qu'ils lui donnaient la signature de la maison. On ne peut, n'est-ce pas, M. Wolfram, accorder une plus grande marque d'estime à quelqu'un ? « Assurément non. Je vous dis cela à seule fin d'excuser l'aveugle confiance d'Auguste en son ami. » Quelques jours se passent. Mon frère se décide à l'un des deux placements qu'on lui proposait, et un jour, je me rappelle encore cela comme si j'y étais. Un jour, je dînais chez Auguste avec Suzanne. Ils étaient mariés depuis quelques mois. M. Borel entre au moment où nous allions nous mettre à table. « Tiens, lui dit gaiement Auguste, tu arrives à temps. Tu vas partager avec nous la fortune du pot. » « Ça va, car je n'ai pas dîné, » répond M. Borel, « et on s'attable. » Alors, mais le force à libérer, s'interrompant, ajoute « monsieur Wolfgang. Je vous parais bien timide, bien doux, n'est-ce pas ? Oh oui, sans doute. Eh bien, mon pauvre frère était d'un caractère encore plus timide, encore plus doux que le mien. Un rien le faisait rougir et l'embarrassait. Sans compter qu'il bégayait naturellement. Aussi, lorsqu'il se troublait, il lui devenait presque impossible d'articuler un mot clairement. Je me souviens même qu'un jour, à la pension, l'on avait dérobé à l'un de nos camarades son encrier. Vous allez voir tout à l'heure, monsieur Wolfgang, pour quelle raison je donne ce détail. Le maître nous assemble tous dans la classe et nous dit d'une grosse voix « Il y a un voleur parmi vous. S'il confesse son larcin, il ne sera pas puni, mais s'il ne l'avoue pas et s'il est découvert plus tard, il sera chassé de la pension. » Le hasard veut qu'au moment où il parle ainsi, le maître regarde Auguste. Le malheureux se croit soupçonné. Il rougit, pâlit, la sueur lui coule du front. Enfin, sa figure se bouleverse à ce point qu'il n'y a qu'une voix dans la classe pour crier « C'est Auguste qui a volé l'encrier !» C'était donc lui, en effet. Lui, bonté divine, il était incapable de dérober seulement un trognon de plume à quelqu'un, le pauvre enfant. Mais son trouble, c'est très altéré. Rien que la honte et l'effroi de se voir soupçonné de ce larcin le bouleversaient ainsi. Et jugez de ce que devint mon frère lorsqu'il vit tous nos camarades le regarder en criant « Oui, oui, c'est Auguste qui est le voleur, c'est Auguste !» Lui, effaré, épouvanté, veut se défendre de cette accusation, mais son bégaiement et son trouble l'en empêchent. Alors il joint les mains d'un air suppliant. Ce geste achève de le perdre, et nos camarades de crier au professeur « Voyez, monsieur, c'est lui !»« Auguste du Bousquet !» dit alors le maître d'une voix terrible. « Puisque vous avouez votre larcin, vous ne serez pas chassé. Mais pendant 8 jours, et durant le premier quart d'heure de la leçon, vous resterez à genoux au milieu de la classe, et vous porterez sur le dos un écriteau où on lira « Voleur ». Le repris de justice s'interrompt de nouveau, et si douloureusement ému à ce souvenir, que ses yeux deviennent humides. Puis il reprend. À cette menace de porter sur le dos un écriteau avec ce mot « voleur », le pauvre cher enfant se trouva mal. Je le reconduisis à la maison, où il fit une maladie de 15 jours par suite de son émotion. Enfin, que vous dirais-je, monsieur Wolfgang, et je me le reprocherai toujours, j'ai moi-même pendant un moment soupçonné mon frère, tant il paraissait fautif. Cependant, le lendemain, le véritable coupable était découvert et l'innocence d'Auguste reconnue. Pardon de ce détail, monsieur Wolfgang, il est bien puéril assurément, mais il me fallait bien vous donner une idée du caractère de mon frère, pour vous faire comprendre ce qui peut-être vous eût paru incompréhensible. »